Vous êtes à l'antenne de Futur Simple et vous êtes à l'antenne de CKRL au 89.1 et vous écoutez Futur Simple plutôt. Et nous allons rester dans le monde vivant, mais en se concentrant maintenant sur les mammifères au Québec. Et la question n'est plus de savoir ce qu'il adviendra de ces mammifères sous l'influence des changements climatiques, mais de comprendre un peu mieux leur structure sociale et les conséquences en matière de reproduction. Et pour en parler, bien, je suis en compagnie de Cyril Barrette, qui est professeur émérite de l'Université Laval, un spécialiste du comportement animal et de l'évolution, et un habitué de Futur Simple qu'on a plusieurs fois invité déjà. Donc bonjour Cyril. Bonjour encore une fois. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir à nouveau pour cette nouvelle saison de Futur Simple. Bien, ça me fait plaisir aussi. Alors, plaisir partagé. Je suis sûr qu'on va aborder des sujets intéressants. Eh bien, alors, on va commencer donc par ce sujet aujourd'hui, là, sur les mammifères du Québec. Puis donc, je parlais de structure sociale, mais c'est un terme un petit peu vague. Ce que j'entends par là, c'est que, bon, il y a des mammifères comme les humains qui vivent en famille, à peu près. Puis il y en a qui ont des mammifères qui vivent en meute, en harde, etc. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve chez les mammifères au Québec? Et d'abord, est-ce qu'il y a des mammifères qui vivent en famille? Au Québec? En fait, si on inclut l'ensemble des mammifères du Québec, on trouve toutes sortes de modes d'appariement ou de reproduction, toutes sortes de systèmes sociaux et des systèmes qu'on retrouve pas chez l'humain, entre autres. Mm-hmm. Et donc, il y a une très, très, très grande diversité. La seule espèce à laquelle je peux penser qui vivrait vraiment en famille, une famille qui ressemble aux nôtres, mm-hmm. disons, le papa, la maman et les petits, ouais. c'est le castor. Ouais. Donc, les mâles et femelles forment une paire jusqu'à tant que les deux survivent. OK. Et puis, le mâle participe aux soins des jeunes. Mm-hmm. Et participe aussi, évidemment, à la construction du barrage et de la hutte qui sont indispensables à la survie mm-hmm. de l'animal. Donc, on a vraiment là une association entre les deux, un investissement parental qui est considérable de la part du mâle, ce qui est exceptionnel chez les mammifères. Mm-hmm. Parce que je pensais, par exemple, je sais pas, à l'ours aussi, ou bon, qui doit être en couple, mais par contre, c'est temporaire. On dirait peut-être le couple est formé temporaire, et après, c'est la femelle seule qui élève les petits. Oui, ça, c'est le modèle normal, très répandu chez les mammifères, c'est-à-dire que le mâle investit presque rien dans la progéniture. Il forme un couple avec la femelle le temps de la reproduction, de la copulation. Mm-hmm. Et puis ensuite, il ne revoit jamais ses jeunes. Les jeunes ne connaissent jamais leur père non plus. Le mâle n'investit presque rien dans la progéniture. C'est la femelle qui est, comme chez la plupart des mammifères, ouais. qui est responsable de tout l'investissement. Il y a une sorte d'injustice biologique, là, mm-hmm. le fait que les femelles mammifères s'occupent de la grossesse qui coûte déjà très cher et l'allaitement ensuite qui coûte déjà très cher. On s'attendrait dans un monde de justice que la répartition des tâches soit plus égale, mais ça ne se passe pas comme ça dans le monde animal, pas mm-hmm. du tout. Et donc, si on va dans des systèmes où un peu plus complexes, ou du moins où il y a un peu plus de monde, donc là, il y a des meutes peut-être pour les loups. Qu'est-ce qu'on retrouve en allant de la famille jusqu'à la harde de caribou, par exemple? Ben, c'est-à-dire qu'on trouve là une grande variabilité, encore une fois. Alors, dans mm-hmm. le cas d'un animal qui vit... on parlait du caribou. Le caribou a un système qui est pas nécessairement plus complexe, mais plus fluide. Mm-hmm. C'est-à-dire que faut faire la distinction entre le caribou des bois et le caribou de la toundra. Alors, chez le caribou des bois, au moment de la reproduction, le mâle essaie de défendre un harem d'une douzaine de femelles, 10-12 femelles, le temps de la reproduction. Alors que dans les grandes hardes migratrices, le mâle ne peut pas contrôler un harem. Il y a trop d'individus. Ils sont très souvent en migration. Donc, on a un système très fluide de fusion, fission. Les groupes se font et se défont constamment. Donc, le mâle essaie de contrôler l'accès à une femelle à la fois, qui est réceptive, et puis ensuite il passe à une autre. Mm-hmm. Mais il y a des systèmes un peu plus simples. Je parlais du loup, je sais pas, on t'en parlait des meutes de loups, donc là ça se passe combien, comment, c'est combien? C'est un mâle pour quelques femelles? C'est un mâle pour quelques femelles, et dans la meute de loups typique, mm-hmm. évidemment il y a toujours des variations, il y a un couple qui se reproduit. Ce qu'on appelle le mâle et la femelle alpha. Ouais. Donc, le mâle dominant et la femelle dominante. C'est les seuls qui se reproduisent. Je dis normalement parce que le mâle dominant peut pas contrôler tout ce qui se passe derrière les buissons dans la meute de loups. Donc, mm-hmm. Mais normalement, il y a une seule paire qui se reproduit. Et le mâle participe dans ce cas-là partiellement à l'élevage des jeunes. Donc, mm-hmm. il y a un certain investissement parental, d'abord dans la défense du territoire face aux autres meutes de loups, mm-hmm. et dans l'approvisionnement des jeunes, dans les comportements de chasse, etc. Donc, il y a un grand investissement mm-hmm. de la part du mâle. Est-ce que c'est la même chose pour le coyote? C'est essentiellement la même chose pour le coyote. Il faut faire des nuances ici aussi. Si mm-hmm. on pense au coyote typique qui vit dans l'ouest, dans les prairies, qui se nourrit de petites proies, là, on a un animal qui est relativement solitaire. Le mâle participe peu à l'élevage des jeunes. Et c'est des animaux qui chassent des petites proies, donc des rongeurs, des chiens de prairie, par exemple. Alors que le coyote qui a émigré vers l'est et qu'on retrouve au Québec, si l'abondance des proies est suffisante, des grandes proies, il se comporte comme une meute de loups. Mm-hmm. Alors, par exemple, on peut très bien avoir un groupe de coyotes, une paire, mâle-femelle, qui ont des jeunes, et les jeunes, au lieu de se disperser, restent avec les parents. Donc, on se retrouve avec une meute de 4 ou 5 qui chassent des cerfs mm-hmm. de Virginie, qui deviennent un peu comme des loups. Donc, mm-hmm. c'est une espèce qui est très adaptable et très intéressante pour mm-hmm. étudier les systèmes sociaux, justement, parce que, en fonction des conditions écologiques, ils sont capables d'ajuster le système social. Ah, oui. Mais c'est pas tous les carnivores qui sont comme ça. Si on pense au lynx, par exemple. Chez le lynx, c'est un animal solitaire. Pourquoi le lynx est solitaire? Pourquoi le loup vit en meute? Ben oui, pourquoi? ça fait partie de la biodiversité normale. Ouais. C'est-à-dire que si le lynx vit en solitaire, en fait, la réponse à toutes les questions pourquoi en biologie depuis Darwin est toujours la même. La réponse à la question pourquoi elle-même. C'est que si l'animal le fait, c'est que c'est avantageux pour le succès reproducteur des mm-hmm. individus. Le défi en biologie, c'est de répondre à la question comment. Comment est-ce que le fait de vivre en solitaire contribue davantage au succès chez les lynx? Voilà. Alors que chez le loup, un loup solitaire, tout seul, peut pas vraiment survivre. Il arrivera pas, même s'il rencontre une femelle à l'occasion, si c'est un mâle, il arrivera pas vraiment à se reproduire correctement. Donc, un loup est conçu, si on veut, entre guillemets, par la sélection depuis des milliers de générations pour vivre en meute. Le lynx est conçu pour vivre solitaire. Et selon les conditions écologiques, c'est avantageux pour le lynx d'être solitaire. Ce serait pas avantageux pour le loup et vice-versa. Mm-hmm. Donc, c'est une question de sélection naturelle sur des très longues périodes. Les hasards de l'histoire et l'ensemble de l'histoire évolutive de l'espèce depuis des millions d'années. Alors, il n'y a pas un système qui est meilleur que l'autre. Mm-hmm. C'est pas une bonne question, je pense, de demander est-ce que c'est mieux d'être solitaire ou vivre en meute. C'est mieux pour le lynx d'être solitaire, c'est mieux de vivre en meute pour le loup. Mm-hmm. Et voilà. Mais on va peut-être y revenir un petit peu après à ça, mais je voulais qu'on fasse encore un petit peu le tour de nos mammifères québécois. On fera pas le tour, tout le tour, évidemment, mais on a parlé juste des mammifères terrestres, mais il y a aussi des mammifères qui vivent, des mammifères marins. Donc, le phoque, le beluga. Donc, qu'est-ce qu'on sait de ces animaux-là? Ils vivent en famille ou ils vivent en meute? Qu'est-ce qu'ils font? Dans le cas des phoques, il n'y a pas de famille. Il n'y a rien qui ressemble à une famille. C'est plutôt un mâle dominant qui essaie de contrôler l'accès aux femelles pendant la reproduction, mais on comprend que s'ils sont dans l'eau, ou s'ils sont sur les glaces quand la reproduction se fait au printemps ou au début, mm-hmm. à la fin de l'hiver, c'est très difficile pour un mâle de contrôler l'accès à un grand nombre de femelles. Donc, il y a une certaine polygynie, comme on dit, c'est-à-dire mm-hmm. qu'un mâle s'accouple avec plusieurs femelles, mais c'est relativement difficile à contrôler. Donc, il y a une grande compétition entre les mâles. Il n'y a aucun soin paternel. Mm-hmm. Et alors que chez d'autres mammifères marins, un des exemples les plus intéressants, je pense, à citer, c'est chez le marsouin commun. Mm-hmm. Et là, il y a un indice qui nous dit que le système est très particulier chez le marsouin commun, parce qu'en plus de l'étude de l'écologie comportementale, donc la constitution des groupes sur le terrain, donc étudier directement la vie sociale, on peut déduire la vie sociale par des études de certains aspects de l'anatomie. Mm-hmm. Et dans ce cas-ci, c'est la taille des testicules par rapport à la taille corporelle de l'animal. Et chez le marsouin commun, on a un animal qui est un champion en toute catégorie. Ah. Si on trace une courbe qui décrit la taille des testicules par rapport à la taille corporelle mm-hmm. des individus, je sais pas si vous voyez mon dessin, oui. et on se retrouve avec un grand nombre d'espèces, on a un nuage de points. Si on fait passer une courbe, une droite par ce nuage de points qui décrit la valeur moyenne, les individus, les espèces qui se retrouvent au-dessus de la droite ont des testicules plus gros qu'on s'attendrait pour leur taille, ceux en dessous mm-hmm. ont des testicules plus petits. Pour donner un exemple, chez le castor, par exemple, les testicules sont minuscules. C'est 1/5 de ce qu'on s'attendrait pour mm-hmm. l'animal de cette taille. Parce qu'il est monogame, il n'a pas besoin d'inséminer un grand nombre de femelles ni de s'accoupler plusieurs fois. Chez le marsouin commun, c'est le point qui est le plus au-dessus de la droite en question. Ah oui. Ses testicules sont 25 fois plus gros qu'on s'attendrait pour sa taille corporelle. Ce qui nous indique, même si on n'a jamais fait des études parce que c'est trop difficile de l'observer en nature, ça nous indique que c'est un animal qui... où on observe, c'est peut-être un des seuls exemples où on observe vraiment de la promiscuité. C'est-à-dire que chaque femelle s'accouple avec un grand nombre de mâles, chaque mâle insémine un grand nombre de mm-hmm. femelles à plusieurs reprises. Donc, il y a vraiment là, un système de brassage où, qui nous est révélé par la taille des testicules. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. vous vous retrouvez avec un animal qui, par comparaison chez l'humain, si on avait des testicules aussi gros que ceux-là en proportion, on aurait des testicules qui seraient d'un litre et demi chacun. Oui, effectivement, on imagine que... on aurait quelques problèmes de locomotion, ouais. entre autres. Donc, vous voyez que c'est un système social un peu extrême, là, cette ouais. promiscuité, et qui est imposé par le milieu aquatique, par le fait que les mâles ne peuvent pas défendre l'accès aux femelles. Donc, il y a plutôt une compétition entre les spermatozoïdes dans la femelle plutôt mm-hmm. qu'entre les mâles. Mm-hmm. Oui, donc on voit que c'est quand même assez, puis c'est assez disparate d'un mammifère à l'autre. Puis, il ne fallait pas les oublier aussi, ces mammifères marins. Ils font aussi partie de la biodiversité du Québec. On a tendance à les oublier simplement parce qu'ils sont plus difficiles à étudier. Oui. Donc, on va revenir là sur cette histoire de lynx, donc bon, qui est plus adapté. Donc, la sélection naturelle a fait que finalement, il est plus adapté pour vivre seul que le loup, qui est plus adapté pour vivre en groupe. Donc, est-ce que c'est en fait... Parce que tout ça aussi, c'est le fait de pouvoir se reproduire, mais d'avoir accès à la nourriture. Est-ce que ça suggère que le loup a besoin d'être plusieurs pour chasser, que le lynx y arrive tout seul, qu'il n'a pas besoin de ses congénères? Par définition, et quand je dis par définition, c'est-à-dire que la sélection naturelle l'a construit, l'a fabriqué comme ça, par définition, un loup vit en meute parce que, entre autres, il chasse des grandes proies. C'est plus facile de les chasser à plusieurs. Si on est en meute puis on chasse une petite proie, on a très peu de nourriture à partager parmi un grand nombre d'individus. Ouais. Donc, on est comme piégé. Là. Ah, oui. Si on vit en meute, il faut chasser des grandes proies. Et si on vit en meute, on peut chasser des grandes proies. Et tous ces éléments-là sont liés à l'abondance des proies, la taille des proies, mm-hmm. le milieu qui est fréquenté, la capacité de locomotion de l'animal, la taille corporelle. Tout est lié à tout. Mm-hmm. en termes écologiques. Donc, mm-hmm. on ne peut pas comprendre le système social du loup en meute seulement en regardant la chasse ou l'accès à la nourriture. Il faut voir la disponibilité des proies, la nature ouais. des proies, l'abondance des proies, l'habitat fréquenté, etc. Mm-hmm. Ce qui explique, par exemple, que les lynx peuvent avoir un domaine vital, c'est-à-dire passer toute leur vie dans des superficies relativement petites si les proies sont abondantes, s'il y a beaucoup de lièvres, par exemple, une année, alors que les loups doivent se déplacer sur des grandes distances parce que, par exemple, leur proie préférée, si c'est l'orignal, ben, il y en a très peu mm-hmm. par kilomètre carré. Mm-hmm. Donc, ils doivent avoir un grand territoire. Oui. Ils doivent avoir une capacité à se déplacer facilement sur des grandes distances. Vous voyez, tous ces éléments-là sont liés. Il n'y a pas d'élément isolé. La sélection ne peut pas favoriser un aspect de la vie de l'animal. Elle doit favoriser tout parce mm-hmm. que tout se tient. Mm-hmm. La saison passée, vous avez souvent dit finalement aussi que les êtres vivants sont juste des véhicules pour perpétuer les gènes dont ils sont porteurs. Donc, est-ce que pour un animal qui est polygame, est-ce que donc on imagine que dans un loup, le loup alpha va être le meilleur et c'est lui qui va finalement transmettre ses gènes. Mais est-ce que ce faisant, ça ne diminue pas le pool génétique des mâles dans la meute, parce qu'il va y en avoir juste un finalement qui va toujours se reproduire et les autres peut-être moins souvent, sauf en cachette. Ouais, donc est-ce que ça diminue pas la diversité génétique de l'espèce? Ça diminue la diversité génétique de l'espèce, mais ça pour l'individu, ça n'existe pas, c'est sans intérêt. Parce que l'individu ne fait jamais rien pour le bien de l'espèce. Donc, même si la variabilité génétique de l'espèce a diminué, pour nous qui s'intéresseraient, par exemple, à la conservation de l'espèce, à la conservation du loup, c'est un problème parce qu'on se rend compte que la variabilité génétique a diminué. Mm-hmm. Pour le loup, c'est un problème seulement à très, très long terme parce que c'est comme s'il avait déposé ses gènes dans une banque et si cette banque-là fait faillite à long terme, c'est mm-hmm. sûr que c'est désavantageux pour la survie de ses propres gènes à long terme. Mais pour le loup alpha, même si au niveau de la meute, la variabilité génétique a diminué, c'est quand même les meilleurs loups qui sont reproduits. Oui. Donc, c'est les meilleurs gènes, si on veut, qu'on retrouve dans les générations suivantes. Donc, je pense que ces deux phénomènes-là doivent se compenser puisque le loup fait ça depuis des générations et que le système continue. Donc, oui, la variabilité génétique diminue s'il y a seulement un mâle qui se reproduit, mais de toute façon, sa carrière n'est pas éternelle. Il va être remplacé par d'autres mâles, éventuellement, peut-être par un de ses fils, s'il mm-hmm. est encore dans la meute. Mais qui aura les mêmes gènes aussi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une diversité ou même un appauvrissement au niveau de l'espèce, quand même? Non, c'est sûr que s'il y a un plus petit nombre d'individus dans une population qui se reproduisent, il y a une diminution de la variabilité génétique. À long terme, pour l'espèce, ça peut être désavantageux. Mm-hmm. Mais encore une fois, l'individu lui-même n'a aucun mm-hmm. contrôle là-dessus. Ouais. Et dans la meute, l'individu, si on veut parler en termes anthropomorphiques, tout ce qui l'intéresse, c'est de transmettre ses gènes, de produire des véhicules, donc ses gènes à lui, mm-hmm. qui vont passer ses gènes dans les générations suivantes. Mm-hmm. L'impact négatif sur la variabilité génétique de l'ensemble de la population, l'individu lui-même ne peut rien y faire. Mm-hmm. Mmh. Et si on en revient donc aux caribous, donc bon, c'est quand même des énormes, je sais pas si on doit dire des troupeaux, des hardes, des je sais hardes, pas, ouais, des hardes, des troupeaux, c'est ça. Ouais. Donc je sais pas, il y a des milliers là-dedans, donc forcément il n'y a pas juste un seul mâle, il y a plusieurs mâles qui contrôlent, comment on appelle ça, un harem, leur harem de femelles. Et encore une fois, s'il y a un petit nombre, comme le caribou des bois, ça peut être un harem que le mâle arrive à contrôler. Mais dans les hardes migratrices de la toundra, le mâle ne peut pas contrôler un harem parce qu'il y a trop de mâles autour, c'est trop mobile, les femelles sont en déplacement constamment. Donc, ce que le mâle essaie de faire, c'est de maintenir l'accès à une femelle en chaleur qu'il a repérée dans le troupeau le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'il s'accouple avec elle. S'il arrive à maintenir l'accès, ensuite, il passe à une autre. Mm-hmm. Mais il ne peut pas faire mieux. Mm-hmm. Mais est-ce que finalement, cette grande harde qui est composée de plusieurs harems, bon, dans l'intérieur duquel il y a plusieurs, il y a à chaque fois un mâle qui essaie d'avoir l'accès à une femelle, est-ce que c'est comme une deuxième organisation de structure, là? Est-ce que le harem est une structure dans la mégastructure qui est la harde? Comment ça cohabite tout ça ensemble? Je dirais plutôt que c'est une désorganisation sociale, dans le sens que les mâles ne peuvent pas maintenir l'accès. Donc, ils peuvent pas contrôler un harem. Un mâle peut pas dire, ben voilà, j'arrive à défendre 12 femelles pendant une semaine, pendant la période de reproduction, et l'autre mâle à côté en défend un autre. C'est trop mobile, c'est trop fluide. Donc, il y a un brassage constant. Mm-hmm. Et ce qui donne des opportunités aux mâles qui seraient subordonnés, par exemple. Ah oui. Et ce qui empêche un mâle de maintenir un accès à un grand nombre de femelles. Mm-hmm. Si on fait une comparaison, par exemple, avec des animaux, des cas classiques comme l'éléphant de mer est un mâle. Le mâle est 4 ou 5 fois aussi lourd que la femelle. Les individus se reproduisent sur la grève et le mâle est capable de contrôler l'accès à un grand nombre de femelles. Donc, dans une saison, on peut avoir 4 ou 5 % des mâles qui font 90% des copulations. Mm-hmm. On peut pas avoir ça dans un système fluide. En mouvement de milliers de caribous qui se déplacent. Ah ouais. Et pourquoi finalement dans le cas du caribou, est-ce que toutes ces meutes ont formé des hardes? Pourquoi on voit ça dans le cas du caribou? Est-ce que c'est relié à la migration qui a donc finalement un grand territoire à couvrir? C'est dû à quoi? Encore une fois, la réponse à la question pourquoi, c'est toujours la même. C'est que s'ils le font, c'est que c'est avantageux pour la transmission des gènes des individus. Maintenant, comment, qu'est-ce qui fait que le fait d'être en si grand nombre favorise le succès reproducteur? On peut penser à différents phénomènes. Il y a un phénomène de dilution face à la prédation, par exemple. Mm-hmm. On a moins de chances d'être attrapé si on est dans un grand groupe que dans un petit groupe. Et quand on pose la question pourquoi, on cherche une cause du comportement. Mais en plus des causes, il y a des contraintes qui sont imposées et il y a des conditions favorables. Peut-être que c'est des contraintes écologiques qui imposent le déplacement et qui imposent le rassemblement en grandes agrégations. Dans le cas d'une harde ou d'un troupeau de caribous, c'est pas vraiment un groupe, dans le sens que les individus se sont pas rassemblés pour des raisons sociales, c'est une agrégation. Ils se sont rassemblés pour des raisons écologiques. Alors pourquoi est-ce qu'ils migrent ensemble? Pour favoriser le succès reproducteur des individus, mais comment est-ce que ça contribue davantage plutôt que d'être complètement dispersé? Mais s'ils sont 1 million, on peut pas non plus être complètement dispersé parce que l'habitat favorable n'est pas infini non plus. Alors, vous voyez, il y a en plus des causes, il y a des contraintes et des conditions favorables qui expliquent en partie le phénomène. En fait, il y a aussi peut-être des signaux, temporels, du temps dans l'année, là, que c'est le temps de migrer pour si on veut trouver de la nourriture plus au sud et puis que finalement, tous perçoivent ce temps-là en même temps, donc ils se regroupent. Parce qu'en finalement, ils sont en harde seulement pour les grandes migrations, mais sinon, dans le reste ils sont davantage dispersés, mais c'est surtout pour les migrations. Mais l'explication que vous donnez n'est pas contradictoire avec l'explication à la question pourquoi, l'explication darwinienne. C'est simplement que pour pouvoir faire ce comportement, se migrer d'une façon synchrone, c'est sûr que les animaux sont sensibles à quelque chose, un signal dans l'environnement qui déclenche le comportement, et dans ce cas-là, c'est la longueur du jour. C'est la longueur du jour qui contrôle la sécrétion de testostérone chez les mâles, c'est la longueur du jour qui contrôle l'ovulation chez les femelles et la migration. Mais évidemment, on comprend pas tout du phénomène non plus. Comment les caribous savent qu'à telle saison, il faut migrer vers le nord-est et puis ensuite, il faut revenir vers le sud-ouest? Parce que ça contribue à leur succès reproducteur. Vous voyez, je m'en sors toujours avec cette réponse simple, mais le défi, c'est de savoir comment. Comment ça se passe? Ouais, ouais. Ben, en tout cas, on a fait une petite incursion dans le monde des mammifères du Québec. Sans doute, apparemment, il y a encore plein de choses à découvrir. En tout cas, on pourrait s'en entretenir encore plus longtemps. Mais là, on va devoir se quitter là-dessus, sur ce panorama des mammifères au Québec. Donc, merci beaucoup, Cyril, d'être venu encore une fois à notre studio. Ça m'a fait plaisir. Et... c'est trop court, comme toujours. Mais... oui, mais il y aura d'autres fois. Il y aura d'autres fois. Et donc, je rappelle que Cyril Barrette est professeur émérite de l'Université Laval.